fatigué de marcher sur des routes étroites, ne pas mettre les pieds dans l'herbe, simplement s'asseoir, avancer digne, tenir son rang, rester droite, faire semblant de ne pas t'avoir vu, t'émouvoir. De sourire facile, répondre à des phrases, des règles, des lois et des devoirs, s'oublier dans des révérences graciles, faire semblant de ne pas avoir voulu te croire. Ce jeu de miroir, séduire des reflets de glace, plaire à des images, raconter des fables, se bâtir des histoires, faire semblant de ne pas avoir vu ton visage, et se les parmi toutes ces âmes, ignorer l'ennui, la peine, la douleur et ma peur. Seul le pouvoir parle, juge et condamne. Faire semblant de ne plus avoir de cœur. Faire semblant que jamais tu ne te